Donc la dédicace. Donc la petite dédicace à la beauté et l'intensité de la vie collective qui me font modestement penser au Requiem de Mozart, dont je vous passe un petit extrait. Je ne vous ferai pas la vexation de le faire moi-même, de l'interpréter à la flûte à nez. Je vous le passe et on en parle. Et pendant cet intermède musical de toute beauté, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos dédicaces au 079 261 33 46. Et que les dédicaces, quand on parle de dédicaces, il ne s'agit pas seulement de vos morceaux préférés ou de ceux que vous pensez que nous adorons. Ça peut être un bruit, ça peut être un son de rue, ça peut être un coassement de corbeau. Un coassement de corbeau. Un petit rire narquois. Un rire narquois. Ou un rire gras. Narquois, c'est un très bon mot du jour. Ben écoute, on va bientôt lancer le récap et comme ça on pourra chercher la définition de narquois. Et on vous laisse avec la continuation dans votre esprit de l'œuvre de Mozart. C'est une magnifique œuvre qui fut contemporaine en son temps. Mais archipel. Elle a continué, Mozart a arrêté. Et nous allons suspendre ce son. Voilà, là où nous sommes. Et voilà, merci beaucoup de la dédicace. En tout cas, on est vraiment très heureux de voir que ce canal, à défaut d'autres, marche plutôt bien. Voilà. 079 261 33 46 avec l'indicatif plus 41 au début si vous avez une carte SIM issue d'un autre pays.